Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin, encore une fois, notre chapitre 19 de l'Apocalypse. Je vous encourage tout souvent, mais je vous encourage encore, vu que vous allez faire le livre de l'Apocalypse une longue période de temps pour vous, que si vous voulez bien comprendre et bien plus maîtriser le livre de l'Apocalypse. Vous devez le voir plus vite. Et donc, si vous écoutez une vidéo par mois ou par deux vidéos par mois, à la fin, écoutez-les plus proche, afin d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas avoir différents morceaux de casse-tête sur vos murs, mais que vous amenez tous les morceaux de casse-tête sur un mur et que vous pouvez voir l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Ceci dit, nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, on se courbe devant l'auteur du livre de l'Apocalypse. On se courbe devant l'auteur de l'histoire de l'humanité. L'histoire n'a jamais été entre les mains des hommes, mais dans les mains de Dieu. Toi, tu as organisé, planifié toutes choses, autant pour le monde non-croyant que pour le monde croyant. Ce matin, nous allons voir ensemble la dernière guerre qui va avoir lieu entre le monde humain et le monde céleste. Donc, on peut facilement voir, imaginer et croire que la victoire va être du côté céleste. Père, donne-nous la grâce dans ces quelques moments ensemble, que nos yeux puissent s'élever vers toi et qu'on puisse t'aimer, t'adorer, te louer, toujours mieux, jusqu'à temps que tu viennes nous chercher et qu'on le fasse ensemble d'une façon parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si ceux d'entre vous avaient vu le film qui est appelé Armageddon, dans lequel Bruce Willis est l'acteur principal. Mais l'Armageddon, c'est une comète qui s'en vient attaquer la Terre. Et finalement, ben les hommes vont avoir victoire contre la comète, parce qu'ils vont finir par l'empêcher de frapper sur la Terre et de détruire le monde. C'est une belle histoire, mais c'est pas la vérité. Ou on devrait enlever le mot Armageddon pour que le film soit un peu plus exact. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Armageddon? Parce que le mot Armageddon a un synonyme dans la tête des gens de la fin de quelque chose, de la fin du monde, ou d'une guerre. Le mot Armageddon, s'il serait traduit, on peut le traduire en français, la montagne de Megiddo. C'est un endroit en Israël où avaient lieu la plupart des grandes guerres. Et c'est là que qu'il y avait des guerres contre les Syriens, contre les Babyloniens, ou des fois il y avait des guerres entre les Égyptiens et les Babyloniens. C'était une grande étendue, une grande plaine qui pouvait contenir des millions de gens, je dirais. On pouvait, ça loge une trentaine de kilomètres. Comme on peut mettre des millions de personnes dans la ville de Montréal. Puis là, imaginez-vous si on enlevait tous les édifices à Montréal, combien de gens on pourrait mettre là? Des millions, des millions, des millions. Et Megiddo, c'est la place où ce que la guerre prenait et qu'on a finalement, Dieu a dit qu'il y aurait une grande guerre. Et cette fois-là, les gens qui vont se confronter, ce n'est pas deux armées humaines, mais une armée céleste et une armée humaine. Donc, lisons ensemble avec cette pensée le texte du chapitre 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur ses chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du fin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair de chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves petits et grands. » Et j'ai vu la bête, les rois de la terre, et leur armée assemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et tous les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, une grande guerre et la dernière guerre qui va se dérouler à Armageddon. La première question qui me vient pour moi, c'est comment est-ce que les hommes peuvent croire, même avec toute la puissance qu'ils pourraient avoir technologiquement parlant, qu'ils peuvent avoir victoire sur le monde spirituel? C'est presque folie, n'est-ce pas? Je peux penser que je peux avoir une victoire sur un ennemi que potentiellement je peux vaincre. Mais ici, les êtres humains se lancent en guerre contre Dieu. Quelle folie! Ils ne pourront jamais vaincre. Et dans toute l'histoire de la Bible, je dirais dans l'histoire de l'humanité, mais ce qui nous est révélé dans les Écritures, jamais, au grand jamais, Dieu a perdu une guerre contre les êtres humains. Quand Dieu, même quand c'est pas lui qui combattait et qui lançait ses troupes humaines contre d'autres troupes humaines, il gagnait tout le temps. David a gagné contre Goliath et David a gagné contre les Philistins. Le peuple d'Israël a battu Nabucodonosor. Ils ont battu des rois, des empires. Ils ont battu l'Égypte. Même s'ils étaient beaucoup plus faibles du point de vue militaire, ils gagnaient toujours. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Et ici, Dieu va combattre une dernière fois contre les êtres humains. Jean voit au verset 11 un cheval blanc. Cheval blanc, c'est toujours le symbole d'un roi, tout le symbole du conquérant. Et sur ce cheval, il y avait un homme ou une personne qui s'appelle fidèle et véritable. Donc, fidèle et véritable, c'est son nom. C'est le fidèle et c'est le véritable. On ne peut pas savoir tout de suite c'est qui. Mais par le restant du texte, on voit très bien que c'est Jésus. Et ce personnage-là, c'est lui qui s'en vient sur son cheval blanc, son cheval de roi, son cheval de conquérant. Il vient et il va juger et condamner avec justice. Il va combattre avec justice. Donc, il juge et combat avec justice. Il a raison de venir s'attaquer à la terre ou à ceux qui viennent faire guerre contre lui. Et on continue à décrire ce personnage-là. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, comme Jésus au chapitre 2. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. On a vu que les couronnes ou les diadèmes, c'est signe de victoire, signe de puissance, signe de force. Et cet homme, ce personnage-là, qui est assis sur le cheval blanc, il a plusieurs diadèmes. On ne sait pas combien, mais il a plusieurs diadèmes sur sa tête, signe de puissance. Il avait un nom que personne ne connaît, et si ce n'est que lui-même. Donc, le nom, dans la Bible, n'identifie pas, mais révèle la personne, manifeste la personne. Quand Dieu dit « Je suis le Tout-Puissant », quand je dis qu'il dit « Je suis le véritable », quand il dit « Je suis le fidèle », il émet un trait de caractère de sa personne. Mais ici, le nom de ce personnage-là est connu de lui seul. L'être humain ne pourra jamais connaître Dieu totalement et parfaitement. Jamais. Et seulement lui peut révéler ce nom à certaines personnes qui lui veut qu'il le connaisse. Mais ce personnage a un nom inconnu de qui que ce soit, accepté de l'humain. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Donc, je crois que c'est une image, personnellement, du fait que Jésus a été immolé, qui démarque qu'il y a eu de la guerre, ou qu'il a fait de la guerre. Vous vous souvenez, on voit bien que celui qui a du sang sur lui-même, soit que c'est son propre sang, ou soit que c'est le sang de quelqu'un d'autre contre lequel il a combattu. Donc, est-ce que c'est son sang à lui, le sang de la croix? Peut-être. Est-ce que c'est le sang de ceux lequel il a combattu jusqu'à date? Dans tous les passages de l'Apocalypse, qu'on a vu qu'il y avait des guerres? Peut-être aussi. Mais le fait qu'il est teint de sang manifeste que ce personnage-là, qui est assis sur le cheval, qui a un nom indéchiffrable, inconnaissable par personne, il a été humain. Le sang est un symbole d'humanité, un symbole d'être quelqu'un qui est en chair et en os. Son nom est la parole de Dieu. C'est lui qui a toujours parlé pour Dieu. La parole de Dieu, il ne faut pas voir une Bible. La Bible, c'est les mots que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre, mais la Bible contient les paroles que Dieu a données, ou les paroles que la parole de Dieu a prononcées. Dieu, à travers toute l'histoire, même de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand Dieu parle, il parle toujours par la parole de Dieu. C'est lui qui est l'être de la Trinité qui transmet les oracles de Dieu. Donc ici, on sait très bien que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Donc, celui qui est là, qui vient faire la guerre aux êtres humains dans la vallée d'Armageddon, c'est le fidèle, c'est le véritable, c'est le juste, c'est le tout-puissant, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas seul. Il est accompagné par les armées qui sont dans le ciel, qui sont eux autres aussi sur des chevaux blancs. Ils sont revêtus de fin lin blanc et pur. Est-ce que c'est seulement que les élus, seulement que ceux qui sont dans le ciel? Donc à ce moment-là, on peut être certain, à ce moment-là, que ceux qui sont sauvés de tous les temps sont dans le ciel parce qu'ils vont venir armés de leur robe blanche, pas armés, mais revêtus de leur vêtements blancs, de leur robe blanche. Est-ce que c'est juste les saints ou c'est aussi les anges? Parce que les anges dans la Bible sont revêtus aussi de fin lin, ils sont aussi revêtus de fin lin blanc et pur. Donc, est-ce que c'est angélique et humain? C'est à débattre. Mais le plus important, c'est qu'il vient avec une armée. Il vient combattre avec une armée céleste, parce que c'est une armée qui est dans le ciel. Pourquoi viennent-ils avec lui? A-t-il besoin d'aide? Nous allons voir ensemble que c'est plus une manifestation que l'armée accompagne son chef, mais nous allons voir que il y a juste un qui va se battre, c'est le chef de l'armée. Et là, au verset 15, on continue à le décrire. De sa bouche sort une épée aiguë, comme au chapitre 2, pour frapper les nations. Toutes les nations de la terre. Il n'y a pas une nation à part. C'est pas une guerre entre deux nations. C'est, lui va frapper toutes les nations qui sont sur la terre. Disant à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de l'agneau. Et là, on continue au verset 15. Il paraîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Donc, il vient, il va accomplir la colère de Dieu, la vengeance de Dieu, comme on a vu au chapitre 19 au début. Il va manifester cette colère que Dieu a contre l'humanité, contre ceux qui sont rebelles envers Dieu, ceux qui sont contre Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc, celui qui s'en vient faire la guerre, c'est le fidèle, c'est le véritable, c'est la parole de Dieu, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vient faire. On met beaucoup plus d'emphase dans le texte sur le chef de l'armée que de l'armée elle-même. L'armée, on en parle comme ceux qui accompagnent le roi, mais on n'en dit pas beaucoup plus que cela. Et là, hein, Jean dit, après avoir vu cette armée qui descendait vers la terre, il dit qu'il a entendu un ange qui se tenait dans le soleil, donc dans ce qui était très brillant, manifestait beaucoup de gloire de Dieu. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux de la terre, toutes les rapaces de la terre, de venir pour le grand festin de Dieu. Vous savez, quand il y avait des guerres anciennement, c'est pas juste au temps de Jésus, avant et après, quand il y a eu des guerres, qu'on se tuait par milliers, par milliers, par milliers, des fois par millions, les vautours et les rapaces venaient toujours faire le festin. Ici, il y en a qui disent que c'est véritable, ça va vraiment arriver comme ça, et les oiseaux vont vraiment venir manger, et ça va, et combien de temps ça va leur prendre pour manger toutes les nations du monde, tous ceux qui vont être là. Moi, je crois que plutôt que c'est une image de la colère de Dieu et de la victoire de Dieu, c'est signe qu'il y a une guerre qui a eu lieu quand les hommes sont tombés morts, c'est parce qu'il y a eu une guerre. Il y a des gens qui sont morts, qui ont été vaincus. Parce que tant qu'il n'y a pas de mort en place et que la guerre continue, les oiseaux ne se promènent pas à travers ceux qui sont en train encore de se battre. Les oiseaux vont venir quand c'est terminé. Donc, il dit, rassemblez-vous les oiseaux du monde et venez, parce qu'il va y avoir un grand festin qui va démontrer la victoire de Dieu. Parce que ceux qui descendent du ciel sont pas mangeables, si je peux dire ça de même. Sont pas les rapaces pourront pas s'en saisir. Je vois pas qu'ils vont pouvoir manger des êtres célestes qui descendent dans des corps glorifiés. Autant Jésus que tous les chevaux qui descendent de là, c'est une image de guerre. Donc, il dit, préparez-vous, parce qu'il y a une guerre qui s'en vient, elle va avoir lieu. Et là, il voit l'armée, il voit l'ange qui appelle les oiseaux, et là, il voit une troisième image, et au verset 19, et je vis la bête, les rois de la terre, leurs armées, rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc là, il voit l'armée terrestre. Il avait vu l'armée céleste, maintenant il voit l'armée terrestre. Tous les rois de la terre. Je ne crois pas que c'est tous les êtres de la terre, mais tous les rois avec leurs armées. Tout ce qui représente la puissance de l'être humain. Tout ce qui représente l'armée terrestre, dans toute sa puissance, dans toute sa capacité. Elle vient pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Remarquez bien. Elle vient faire la guerre. Moi, je crois que c'est Dieu qui les attire là. C'est Dieu qui a, dans l'Ancien Testament et à travers l'histoire, je crois personnellement, c'est Dieu qui a attiré des peuples à venir souvent faire la guerre aux Israélites et il les a battus. Ils les ont battus à pleine couture. C'est Dieu qui faisait ça. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui égare. C'est Dieu qui les a ici emmenés à venir manifester leur révolte contre Jésus-Christ. Et là, Jean, il voit au verset 20, la bête fut prise. Avec elle, le faux prophète. Donc, les deux bêtes. La bête fut prise. Qui avait devant elle des prodiges pour lesquels avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Donc, il voit une image et instantanément, le verset d'après, c'est fini. Ça se fait très vite. Ça se fait très vite. Et je crois que c'est pas une guerre qui va durer des semaines et des jours et des jours et des jours. Ça se fait terriblement vite, à mon idée. Donc, Jésus prend la bête, les deux bêtes, et les jette dans l'ardent feu de soufre, et ce qu'on appelle l'enfer, et les jette là, et ils vont être là pour l'éternité. Et les autres, toute l'armée, toutes les armées du monde entier, ils furent tués, marquez bien, ils furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Donc, ils sont pas tués par l'armée qui est en arrière. L'armée est spectatrice de la guerre que Jésus mène contre les armées des hommes. Donc, c'est une victoire qu'on doit attribuer uniquement à Jésus, non pas aux armées. Sont pas importants. Si un ange dans l'Ancien Testament a pu faire mourir en quelques minutes 100 000 soldats, imaginez-vous Jésus, la parole de Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, lui qui a toute la capacité divine, il peut détruire les armées du ciel et de la terre, les armées de la terre, excusez, dans une fraction de seconde. Donc, on jette les deux bêtes dans l'enfer. Les autres sont tués, mais ne sont pas jetés tout de suite dans l'enfer. C'est plus tard qu'ils vont être jetés dans l'enfer, je pense au chapitre 21. Quand il va y avoir le grand jugement du trône blanc, et on va les jeter en enfer à ce moment-là. Pour le moment, c'est le carnage, c'est la mort de tous ces êtres-là, tués par l'épée de Jésus. Est-ce que cette parole, cette épée qui sort de sa bouche, qui est sa parole, est-ce que c'est par un mot, une déclaration, un jugement, probablement, c'est comme ça que ça se passe. Dieu dit « Bouh! » Puis il meurt tout. C'est comme ça que je le vois. Je vois pas Jésus qui commence à se tirer, qui se battre avec une épée. Ça, c'est tellement contre l'idée que je me fais de Dieu et de Jésus-Christ à ce moment-là. Donc, nous avons vu ce matin la dernière guerre entre le ciel et la terre. Je vous avais dit, dès le début, l'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose qu'il faut analyser politiquement, d'une façon militaires, c'est des pays, la Chine. J'ai lu tellement de livres qui parlaient des combats qu'il y avait entre les États-Unis, puis la Chine, puis la Russie. Puis on rabaissait l'histoire de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation à des guerres humaines, quand ça n'a rien à voir avec ça, à ma compréhension. C'est le ciel qui révèle qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. On voit au chapitre 4 et 5, ceux qui vont mettre une fin à ce monde tel qu'on connaît, Dieu assis sur son trône et l'agneau immolé assis sur le même trône. Chapitre 6 au 18, tous les jugements qui s'abattent sur le monde, qui sont là pour s'attaquer, pour détruire, pour faire souffrir tous ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu, chapitre 7. Tous ceux qui ont pris le qui sont marqués du sceau de la bête, vont être attaqués, persécutés par Dieu, par les deux témoins, et ça va être vraiment un temps de difficulté et de souffrance pour ces gens-là. Et tous ceux qui restent, loin de se repentir, se rassemblent à Armageddon, que ce soit vrai ou symbolique, ils se rassemblent à Armageddon, ils font la guerre contre Dieu, et Dieu, en un instant, va les détruire. Il va prendre les faux prophètes, les deux bêtes, et les mettre dans l'enfer pour l'éternité. Au chapitre 20, on va voir que le diable va rejoindre ces deux bêtes-là. Mais pour le moment, ce n'est seulement que les deux bêtes. Les hommes meurent, sont détruits, ils sont irradiés, je peux dire le même, par l'épée de Jésus-Christ. Est bon de voir que Dieu, en un instant, peut détruire toute la force des êtres humains. On voit ça dans cette semaine, que Dieu intervient par des anges, par des signes, par des hommes comme Moïse, et des fois par des armées comme David, comme Salomon, et qui va détruire les puissances ennemies. On sait qu'ils ont gagné à cause de Dieu. Mais ici, on voit toute la puissance humaine qui se rassemble contre Jésus-Christ et son armée, et Jésus les détruit instantanément, ou promptement. Quel bel encouragement pour l'Église à la persévérance. Jésus dit ici à son Église, si tu m'abandonnes et que tu te joins à l'armée des êtres humains, voici ce qui va t'arriver, parce que tu t'es joint à eux. Si tu m'abandonnes, si tu me rejettes, si tu te joins aux Nicolaïtes, si tu te joins aux doctrines de Baal, si tu te crois riche et capable et puissant, peu importe, si tu me rejettes, voici ce qui va t'arriver, parce que je vais te détruire avec mon épée. C'est ce qu'il avait dit à une des églises. Si tu te repens pas, je vais te détruire par l'épée qui sort de ma bouche. C'est ici. Mais à ceux qui vont persévérer, qui ne vont pas abandonner, qui vont accepter la mort plutôt que le reniement, qui vont éloigner les faux prophètes et les faux docteurs, qui vont pas se joindre aux doctrines de démons, qui vont persévérer jusqu'à la fin. Et ceux qui avaient abandonné et qui se sont repentis dans les églises, parce que Jésus l'appelle à la repentance. Mais eux autres, ils font partie de l'armée céleste, hein, et vont venir avec leur roi, avec leur seigneur des seigneurs, avec leur sauveur, leur créateur, et vont vaincre tous leurs ennemis. Ils sont leurs ennemis parce qu'ils sont l'ennemi de leur seigneur, de leur roi, de leur chef. Si tu es ennemi du chef, c'est bien sûr qu'il était ennemi de son armée aussi. Il est encore temps de faire des choix. Il est encore temps de s'arrêter et de réfléchir. Je crois personnellement que dans l'Église, dans le monde aujourd'hui, il y a encore plein de monde que Jésus appelle à la repentance. Parce que les églises qui se disent croyantes ont souvent abandonné, rejeté, mélanger le faux avec le vrai. Comme ceux qui avaient des doctrines de Baal ou des doctrines d'Astarté dans l'Église, qui avaient des prophétesses, ou qui ont utilisé l'Église pour être en santé et prospère. Il y en a, j'entends beaucoup, c'est ainsi qu'on utilise l'Église pour essayer d'améliorer le monde que Jésus va détruire finalement. Il faut rester attaché à la doctrine que les apôtres ont transmise, que nous avons aujourd'hui dans les Écritures. Restons attachés à ça. Persévérons, car le jour de la victoire est sûr, car elle ne dépend pas de nous, mais du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Notre Père du ciel, merci de nous faire voir le dénouement de l'histoire. Victoire du roi des rois, victoire du Seigneur des seigneurs, victoire de celui qu'on appelle fidèle, qu'on appelle véritable, qu'on appelle parole de Dieu. Victoire par celui qui a les yeux de feu, victoire par celui qui a une épée qui sort de sa bouche et que sur sa tête il y a plein de diadèmes. Victoire de celui qui est mort en croix. Il va détruire tout ce qui est en rébellion contre son Père, afin de créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où le peuple de Dieu, où l'armée de Dieu, va pouvoir adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour l'éternité. Donne-nous, Seigneur, d'être fortifiés par ces vérités et par ces belles promesses. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.